Chers auditeurs, chères auditrices, vous écoutez bien Cinéphiles de notre temps et nous avons le plaisir de vous accueillir pour ce nouvel épisode avec de nouveaux micros. Malheureusement, durant notre enregistrement, des coups sourds se sont immiscés entre nos voix et nous n'avons pas réussi à les couper. Nous vous présentons donc toutes nos excuses et nous espérons que vous pourrez profiter de cet entretien malgré tout. Bonne écoute! Notre invité est un amoureux des images et du son, que ce soit lorsqu'il réalise des films ou qu'il en agence la musique. Il y a quelques années, bien avant la pandémie, il s'est confiné au sein des murs de sa maison alsacienne et il s'est noyé dans des millions d'images et des centaines de films. Certains téléchargés plus ou moins légalement. Et il en a ensuite fait un film documentaire au titre étrange et inquiétant « Ne croyez surtout pas que je hurle ». Comme une résonance, pendant le premier confinement en mars 2020, on a vu apparaître sur Facebook un drôle de groupe nommé « La Loupe », où des cinéphiles pirates échangent des films rares et oubliés, dans tous les cas inaccessibles depuis les sentiers battus de la légalité. Il a d'ailleurs longtemps été l'un des administrateurs de ce fameux groupe et a permis à des dizaines de cinéphiles de ne pas sombrer dans la mélancolie. Aujourd'hui encore, il en est un des membres plus qu'actifs. Bienvenue Franck Beauvais, et merci beaucoup d'avoir accepté de venir dans notre émission. Merci à vous, c'est un plaisir. Donc on va commencer, comme nous vous l'avons dit, par une petite citation surprise qu'on a cru bon de faire résonner avec, on pense, votre cinéphilie. Des éclairs dans le reflet de ses yeux, il cherche la lumière à tâtons. Dans une mise en abîme sans fond, il semble bercé d'illusions. Les yeux rivés sur l'écran, il a oublié le temps. Et alors c'est tiré de la chanson « Écran total » de Françoise Brut que tu cites Absolument. Dans « Ne croyez surtout pas que je hurle ». Donc déjà, qu'est-ce qu'elle évoque à propos de ta cinéphilie, en fait, cette citation? Ben, elle évoque l'addiction. Elle évoque l'addiction, elle évoque des choses dont on va sans doute reparler, hein, l'enfermement, la claustration et un désir éperdu d'image. Effectivement, c'est une chanson que j'avais découverte très peu de temps avant d'aller voir le concert que je mentionne dans le film. Et ça crée un écho assez étrange. J'étais allé voir, hein, discuter deux minutes avec Françoise Breu après. J'avais vraiment particulièrement parlé de cette chanson-ci. Mais souvent, quand on prépare un film... Il y a des choses qui arrivent, et c'est souvent les plus belles qu'on ne cherche pas. Et là, vraiment, l'album venait de sortir, j'ai entendu, et cette chanson est arrivée comme un boomerang, et elle est restée. Quand j'ai écrit la narration, c'est revenu aussi. Mais oui, l'addiction, la difficulté du dehors aussi. Bon, on va reparler un peu des voix, je crois que c'est notre première question du portrait. Tout à fait. Du coup, la première question qu'on t'a posée, qui s'est imposée assez facilement à nous quand même, c'est si t'étais une voix off dans un film. Et donc, tu nous as répondu par l'adaptation du livre de Georges Perec, Un homme qui dort. Ouais. Alors, j'aurais pu répondre vraiment pas mal de choses. Il y a énormément de voix off au cinéma, et il y en a beaucoup que j'aime énormément. Et puis on rappelle que ton film est bercé par une voix off qui est latine dans Ne croyez surtout pas que je hurle, c'est pour ça qu'on t'a posé la question. Absolument. Donc il y a des voix off qui comptent, avant de répondre précisément à la chanson qu'il faut que je mentionne, qui sont par exemple la voix off de L'amour existe de Piala qui me bouleverse. Il y a les voix off d'auteurs-réalisateurs. La voix de Cavalier, la voix d'Ackerman, évidemment, la voix de Debord, qui m'a beaucoup guidé sur « Ne croyez surtout pas que je hurle », pas tant en termes idéologiques, même si évidemment beaucoup de choses que je partage avec la pensée de Debord, mais que dans la neutralité de la voix. Après, la question étant, si j'étais une voix off, ce qui est quand même un peu plus complexe, j'ai choisi une voix de femme déjà. Curieusement, je trouve l'idée extraordinaire de, d'adapter. Donc, Kézanne et Perec ont travaillé ensemble à l'adaptation en permanence. Le livre existait déjà. Et ils ont développé une écriture dans un premier temps. Alors, je le sais parce que j'ai relu en diagonale un papier de Vertigo ce matin. En pensant au film sans voix off, ils voulaient développer quelque chose. Leur modèle, c'était Il Posto, l'emploi d'Ermano Olmi. C'était un modèle néo-réaliste. Ils ont développé l'écriture, ils se sont rendu compte que ça ne marchait pas. Et à partir du moment où ils ont décidé de passer à la voix off, pour eux, c'était une évidence qu'il fallait soit que ce soit une voix de femme, soit une voix d'enfant, soit une femme de vieillard, mais absolument pas la voix d'un jeune homme, qui est le jeune homme qu'on voit à l'écran pendant tout le film. C'est une voix qui est fabuleuse. Alors, d'une part, je trouve, par sa retenue, parce qu'encore une fois, comme chez Debord, c'est plutôt une voix grise. Et dans l'article de Vertigo, il était bien précisé qu'ils avaient dû casser toute velléité dramatique d'interprétation chez Ludmila Michael dans un premier temps. Et elle est comédienne, je crois. Elle a fait la Comédie française. Elle est comédienne, tout à fait, tout à fait. Et donc, évidemment, la première tendance est à lyriciser, à interpréter en tant qu'acteur. Il fallait quelque chose d'assez neutre. Et ils y sont parvenus. Alors, il y a un moment dans le film où elle gueule vraiment, qui est très, très beau. Il y a ça. Évidemment, on s'interroge en permanence sur qui est cette voix. Donc, selon eux, c'est ambivalent. Ils laissent au spectateur le soin de décider. Donc, ce qu'ils émettent comme idée, c'est la voix de sa conscience, la voix d'une mère, la voix d'une infirmière. Et ils ont fait une projection du film à la clinique Laborde, où la réaction des patients était de dire mais pourquoi cette mère est si méchante ? Donc on ne sait pas, et c'est une narration, et ça je trouve ça très très fort, à la deuxième personne du singulier, ce qui vient du roman à la base, mais une chose à laquelle on n'est pas du tout habitué au cinéma. À la limite, enfin, je réfléchissais, on a des petits fragments d'interpellation du spectateur, notamment le prologue de Europa de Lars von Trier, où il y a un vous qui s'adresse au spectateur, mais on est dans un processus d'hypnose orale. Mais sinon, une narration à la deuxième personne, c'est extrêmement rare. Et ça provoque constamment une interrogation entre ce qu'on voit à l'image, d'où provient cette parole, comment est-ce qu'elle connaît ce monde intérieur du personnage. Voilà. Donc, après, en quoi est-ce qu'elle serait moi, je ne sais pas, dans quelque chose de schizophrène peut-être, ou dans un décalage. Et dans cette... dans ce côté voix grise, voilà, voix blanche, pas modulée, et un côté très littéraire. Il faut quand même dire que les mots de Perec sont magnifiques. C'est ça qui est intéressant. C'est les ponts entre cinéma et littérature. Mais est-ce que c'est quelque chose qui te parle, ça aussi, sachant que la voix off de ton film a été publiée chez Capricci, je crois, aussi. Oui, j'y suis sensible, parce que je crois que c'est un élément constitutif de la modernité au cinéma, finalement. Alors, on a construit le cinéma contre la littérature pendant un certain temps, et en même temps, on se rend compte que quand Guitry fait Mémoire d'un tricheur, il y a quelque chose de révolutionnaire dans l'usage de la voix off et du son au cinéma. D'ailleurs, on peut revenir à Un homme qui dort, parce que c'était les deux références de voix off qu'ils avaient, une fois qu'ils ont décidé de travailler en voix off, c'était Les Mémoires d'un tricheur et Hiroshima, mon amour. Donc oui, après, il y a tout Duras qui moi, me fascine sur le lien qui est créé entre une matière littéraire et une image, et qui entraîne vers une modernité totale du cinéma, je crois. Sans soleil, évidemment. Enfin, il y en a beaucoup. Oui, là, c'est vrai que... Il y en a beaucoup. La voix off, oui, tant que c'est pas la voix off... littéral, non, la voix off du documentaire Arte, le cauchemar absolu, le voice-over, un peu. La voix off qui se substitue à la pensée du spectateur, qui prémâche la pensée, qui commente, ça non, elle n'est pas nécessaire. S'il n'y a pas une dialectique qui se crée, un rapport de force entre l'image et le son, il n'y a pas vraiment beaucoup d'intérêt. J'y suis revenu, mais je sais qu'au tout début de ma cinéphilie, j'étais très allergique à Truffaut à cause des voix off que je trouvais très redondantes avec l'image. Alors, je les trouve un peu plus complexes que ça aujourd'hui. J'ai plus d'affection pour ce... le côté romanesque qui est insufflé par la voix off et qui lui permet de faire des ellipses formidables. Mais ça me crispait beaucoup, ça. Cette adéquation entre ce que je voyais à l'image et la voix et le texte. Mais d'ailleurs, oui, dans les documentaires Arte, on dit voice-over, donc voix au-dessus. Voilà, et je trouve que ça veut tout dire. Tout à fait, tout à fait. Mais pour continuer ton portrait, on t'avait demandé, on change totalement par rapport aux voix, on t'avait demandé, si tu étais une drogue au cinéma, laquelle serais-tu ? Ah oui, bah alors là, pareil, hein, il pourrait y avoir tellement de réponses. Mais ta réponse était vraiment ludique, un peu malicieuse, parce que c'est une drogue bénéfique et c'est quand même assez rare. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette drogue-là. On peut peut-être rappeler le titre du film. Alors, le film, c'est The Faculty de Robert Rodriguez, qui est un film que je trouve très jouissif, d'une part parce que c'est une relecture contemporaine, enfin, ça date de 20 ans maintenant, mais de Body Snatchers, par exemple. Enfin, Rodriguez est un cinéphile au même titre que Tarantino. Oui, ils font beaucoup référence à l'invasion des profanateurs de ces cultures. Tout à fait, tout à fait. Mais ce que je trouvais formidable, c'est que on a affaire à une bande de jeunes, il y a un outsider, un gentil bad boy interprété par Josh Hartnett qui vend sa drogue aux autres lycéens. Dans des stylos bics, ce qui est quand même dans assez drôle. Dans des stylos bics. Donc la drogue s'appelle le scat dans le film. Et il se trouve que c'est la drogue qui permet à la fois d'identifier et de lutter contre les envahisseurs. Alors ça, j'aime beaucoup, je trouve ça très, très subversif. C'est très rare quand même qu'on dépeigne une drogue ou une addiction de façon positive au cinéma. Il se trouve qu'après, le film est plus roublard que ça, puisque cette drogue s'avère ne pas en être réellement une. Il y a toute une scène où il explique que non, il n'y a pas d'héroïne là-dedans, il n'y a pas d'amphétamine, c'est de la caféine. Voilà. Avec d'autres choses de sang cru, donc on sait avec pas d'autres vraiment. Choses de sang cru. C'est mais ça, bon. C'est quand même... Mais il y a l'idée de la drogue qui permet de résister à l'envahisseur et qui permet de gagner. Et je trouve ça vraiment, vraiment pas mal. Et j'aime bien Rodriguez. C'est Kevin Williamson aussi au scénario. Donc c'est vraiment cette période assez riche de Williamson qui a duré assez peu de temps. C'est très inventif tout le temps, le film. Et c'est un film que je revois avec plaisir. Puis je voulais qu'il y ait un peu aussi de films populaires et de références au cinéma de genre parce que ça m'a toujours nourri aussi. Et Faculty, un des derniers films comme ça qui m'avait vraiment, vraiment enthousiasmé. C'est vrai qu'il est assez ludique, en fait. Il y a quelque chose de... Oui, on joue avec à la fois des références cinématographiques, comme le film d'invasion en fait d'Alien, et puis aussi le teen movie, parce que chaque personnage bien sûr, parce est qu'on un est archétype pas loin de en Breakfast fait. Club non plus. Oui. Et puis on est dans un environnement assez agréable, enfin dans le sens et assez connu de lycée avec des jeunes qui ont des intrigues. C'est une atmosphère assez connue finalement, et c'est pour ça qu'il est jouissif. Et puis on retrouve, enfin avec plaisir, on a retrouvé Elijah Wood qui est le Frodon dans Silence des Anneaux, donc c'est assez étonnant de le voir là en jeune. Martyrisé par les autres, c'était tout assez à fait, drôle. Tout à fait. Il y a un côté, puis ça peut rappeler le cinéma de Joe Dante justement dans la référence au cinéma hollywoodien. Peut-être dans la subversion aussi. Et dans la subversion aussi, bien sûr. Après, je pense que ça pourrait aller plus loin. On reste quand même dans quelque chose de relativement mainstream. C'est un film qui a eu un succès international. On comprend pourquoi. mais voilà. Et puis les professeurs sont des méchants. C'est génial. mais pour repartir sur quelque chose de plus déprimant que The Faculty, mais ta réponse était très belle. On t'a demandé si tu étais une mère au cinéma. Laquelle serais-tu ? Et vraiment, c'était une belle réponse. Je te laisse... Mais d'abord, c'est une question extrêmement complexe. Je ne me la suis jamais posée avant de la lire. Et je ne suis jamais Oui, je ne me suis jamais retrouvé face à un film en m'identifiant ou en me projetant sur un personnage de mère, par définition. C'est l'altérité totale. Je ne suis même pas père, donc ça m'a vraiment beaucoup perturbé. Mais les personnages de mère sont proches, sont des gens qui sont vraiment très constants dans tes films quand même. Ils sont là, on les sent. On y a pensé en tout cas. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais je ne me suis jamais projeté là-dedans et c'était compliqué. Alors la première tendance, c'est de dire quelles sont les mères formidables du cinéma qui me reviennent à l'esprit. Il y a les mères Courage soviétiques, évidemment. Imitation of Life, qui est un film très important pour moi. Il y a deux mères. Mais si je regarde les choses en face, et pour répondre précisément à la question, ça ne correspond pas à la mère que je serais du tout. La mère que je serais, oui, c'est plus la Jeanne Dielman de Chantal Akerman. Et pourquoi alors ? Est-ce que tu veux nous rappeler un peu comment elle est, cette Jeanne Dielman ? Comment elle est, Jeanne Dielman ? Jeanne Dielman, elle vit dans... Donc, le film est structuré en trois jours. Et elle vit dans une répétition, dans un quadrillage du temps permanent. C'est-à-dire que si l'emploi du temps qu'elle a mis en place et qui se répète quotidiennement déraille, ce qu'on va voir advenir au fur et à mesure dans le film, il y a un espace de liberté qui arrive qui fait tout exploser. Donc il y a un équilibre qui est présent, tout en étant oppressant hein, par ailleurs, mais qui tient à la répétition et au rituel. Et je dois avouer que c'est un peu comme ça que je structure mes journées. Encore une fois, on parle aussi là au présent, dans un temps où ça fait presque un an qu'on est confiné alternativement ou pas. C'est pas pour rien qu'il y a un homme qui dort qui revient, c'est pas pour rien qu'il y a Jeanne Dielman qui revient. C'est les films de confinement. À un moment, cette répétition, je l'ai en moi, je structure mes journées de façon assez semblable. En temps normal, il y a des ruptures qui ne provoquent pas de cataclysme et qui sont bienvenues. C'est une aliénation poussée à l'extrême aussi. Quand même. Voilà. Mais là, ça, sur les journées de confinement, sur les journées de solitude, je me rends compte une répétition des mêmes gestes. Alors, c'est pas la minute près comme Jeanne Dielman. Et puis, je ne fais pas une pause pour recevoir des clients ou des clientes, le temps de faire bouillir des pommes de terre. Mais oui, c'est un besoin de structurer le temps pour qu'il n'y ait pas de vide. Et pour qu'on reste vertical, quoi. Sinon, on explose et on finit par assassiner des gens. C'est quand même malheureux. Après un portrait en contraste et grands écarts, notre discussion s'est poursuivie autour des habitudes de visionnage de Franck. Il y raconte sa journée type de spectateur compulsif et confiné. S'en sont suivies des réflexions sur sa collection physique de films et sur son rapport conflictuel au support, qu'il s'agisse de cassettes, de DVD ou de Blu-ray. Enfin, face à sa bibliothèque de films, nous l'avons interrogé sur sa mémoire de cinéphile. En voyant ne croyez surtout pas que je hurle, on t'imagine déjà spectateur confiné. Et tu dis d'ailleurs, alors je ferme les volets, j'éteins les lumières et je retourne à mon écran, le lieu des obsessions magnifiques où les mirages de la vie se teintent de sublime. Et on s'est demandé du coup si tu avais un dispositif préféré pour voir les films, est-ce que c'est un moment ritualisé ou pas en fait ? Comme on parlait du temps avec Jeanne Dielman, oui, plus ou moins. Après, il y a des journées... parlons vraiment de ce temps de confinement dans lequel on vit, où effectivement les journées ne peuvent pas être les mêmes qu'auparavant. Une journée typique pour moi, ça va être de me lever tard déjà. Après, je crois que ça va chevaucher la réponse avec des questions ultérieures. C'est pas grave. Je me lève et avant de passer à l'étape de la douche et tout ça, la première chose que je fais, c'est d'aller consulter les blogs que je fréquente de cinéma et de téléchargement et de voir les arrivées quotidiennes. Je télécharge pour commencer la journée, je vérifie ce qui arrive. La cargaison hebdomadaire. Et ça, c'est le temps de deux grands cafés. Ça prend bien 1h30, 2h, parce qu'il y a beaucoup. Ensuite, je me douche. Et là, idéalement, j'ai quelqu'un qui a beaucoup de mal à travailler longtemps. Donc, idéalement, quand je travaille, je vais travailler 2 heures en essayant d'être très, très concentré. À partir de 18h, lors de l'apéritif auquel on n'a plus droit, moi je me fais un apéritif qui en général est plutôt un apéritif court-métrage. Je consacre 2 heures à visionner des films courts. C'est sympa ça comme nom, un apéritif court-métrage, je trouve. Un temps que je prends, c'est très important pour moi de toute façon, je ne fais évidemment pas de distinction entre long métrage, court métrage. Et donc du coup, d'avoir un temps consacré au format court. Voilà, et après le dîner, j'entre dans le passage de la soirée long métrage, qui est une double, triple ou quadruple séance selon le temps dont je dispose et la longueur des films. Où effectivement, on ferme les volets, on éteint la lumière et j'habite dans un espace assez restreint. Donc c'est mon lit qui est un double matelas pour être à la bonne hauteur face à un grand écran plasma qui est à 1,5 à la distance idéale. Et on y va, et oui, en général un verre, et en général j'aime bien fumer aussi. Ce qui fait que c'est des choses que je ne peux plus retrouver au cinéma. Les conditions idéales pour moi, c'est ça. Ça peut être idéalement seul, ça peut être accompagné d'une personne. Mais au-delà, c'est très compliqué sur le visionnage. Et alors, on a plusieurs fois mentionné le téléchargement plus ou moins légal des films, donc un support qui n'est pas physique. Sauf que dans Ne croyez surtout pas que je hurle, tu évoques aussi les livres, les vinyles et les DVD. Et on se demandait quel rapport tu pouvais entretenir avec ces objets, en fait, et notamment le DVD, en fait. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est des objets auxquels tu attaches une importance symbolique, au moins, ou... C'est un rapport très conflictuel. Oui, on le voit dans Ne croyez surtout pas que je hurle. C'est un bras de fer permanent. Il se trouve que, je ne suis pas né... Je ne suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, donc je ne dispose pas d'un espace, surtout pas parisien. Et je lis, j'écoute de la musique. Donc au bout d'un moment, alors je parle de l'écrémage des DVD au moment du déménagement, dont Ne croyez surtout pas que je hurle, et c'était vraiment, je vois rétrospectivement, c'était de la folie. J'avais plus de 5000 DVD, j'ai fait un tri drastique. Je suis arrivé à Paris peut-être avec 1000, sachant que en réalité, je visionne. C'est une exception de visionner pour moi un DVD. Pourquoi ? Parce que d'une part, j'ai un flot quotidien de films qui m'arrivent via des blogs, que la plupart du temps, une fois que c'est édité, c'est des films auxquels j'ai eu accès auparavant. Mmh. Que des DVD que j'ai achetés il y a 10 ans, il y a des versions restaurées maintenant en HD que je retrouve plus facilement déjà. Le film que je veux voir, je le retrouve plus facilement sur mon ordinateur et sur mes disques durs que si je dois aller dans mon couloir et le retrouver. Donc voilà, après je trouve... Oui, alors pourquoi les garder finalement ? Voilà, bon, c'est une bonne question. D'une part, il y a, y a les incunables. Il y a des choses qui sont très difficiles à retrouver, même sur Internet, même dans les circuits parallèles. Il y a l'attachement à des coffrets, l'attachement au travail éditorial, évidemment, qui peut accompagner certains coffrets. Il y a des intégrales aussi. Pour moi, c'est beaucoup plus simple. Je suis vraiment pour l'intégrale. Ouais, alors là, si on veut me faire racheter du DVD, d'ailleurs plutôt du Blu-ray que du DVD, c'est l'intégrale. Ouais, voilà, quand Potemkin a sorti Romer, ça c'est une chose, c'est indispensable, c'est comme un Pléiade, on a tout. Voilà, ça c'est réglé. Wiseman, Van der Kuyken, des gens comme ça. Et ça, je garde un attachement. Je m'en détache beaucoup moins facilement qu'un Blu-ray de Clint Eastwood, alors que j'adore Clint Eastwood, mais que je vais pouvoir retrouver très facilement le jour où j'en ai besoin. Parce que c'est des beaux objets aussi, en l'occurrence. Ce sont des beaux objets. Encore une fois, il y a un travail éditorial. Ça, je suis très sensible à ça. Mais après, arrive un moment dans une vie de cinéphile. Il y a des films que j'ai achetés en VHS, que j'ai achetés en DVD, que j'ai achetés en Blu-ray et que j'ai téléchargé ensuite. Hein. On va prendre des films qui sont là depuis l'adolescence. Il y a un moment, on en a marre. Et c'est beaucoup d'espace de stockage. Et alors autant pour moi c'est possible de, et ça ne pose aucun problème de visionner un très bon fichier de film, autant sur les livres je n'arrive pas. Donc il y a quand même aussi le fait que les livres c'est incompressible. Il y a besoin de la matière finalement. Sur le livre, oui. J'ai besoin de souligner, j'ai besoin d'avoir quelque chose en main. Le film, de toute façon, enfin un DVD, c'est des data sur une disquette. C'est, alors qu'elle soit sur une disquette ou sur un disque dur, quand il s'agit encore une fois juste d'un DVD comme on nous les vendait il y a 20 ans en gondole de n'importe quelle sortie six mois après la salle. Ça, c'est fini. De toute façon, je ne vois plus personne. De toute manière, les seuls DVD qui tendent à fonctionner, entre guillemets, c'est les très, très belles éditions qui coûtent un certain prix. C'est ça. Et c'est ce que fait Potemkin, c'est ce que fait dans le genre Carlotta, évidemment, dans le genre Le Chat qui fume. Capricci aussi. Capricci, évidemment. Oui, c'est qu'ils pensent, c'est des éditeurs qui pensent réellement la chose sous tous ses angles. Là, ce que Potemkin vient de faire sur Sans Soleil, c'est absolument magnifique. Là, j'ai besoin de l'avoir. Je ne peux pas ne pas l'avoir. Et c'est plus une pulsion de possessivité, même si tu vas les regarder après sur ton écran et par un fichier. C'est plus d'avoir l'objet. C'est d'avoir l'objet. Comme on a sa bibliothèque, et qu'on ne va pas se débarrasser de ce à quoi on revient tout le temps. Et c'est de pouvoir le faire circuler aussi, c'est de pouvoir le prêter. Aujourd'hui, prêter un livre ou prêter un film, en se disant qu'il y a peu de chances qu'il revienne, ça me dérange plus trop. À partir du moment où personne le lit ou le regarde, hein, ça c'est le minimum. Mais il y a ça quand même. Il y a l'idée de transmission et de passage est toujours importante. Bon, alors la transmission, on y reviendra un peu plus tard. Mais en attendant, on va passer à la troisième catégorie de l'émission, qu'on appelle Mémoire et Sommeil. Et on s'est dit que, entre ton film, forcément, et puis l'expérience que tu as pu avoir dans des festivals comme celui d'Entrevue à Belfort, tu étais souvent amené à faire des liens entre les films. Et ça nous a amené à la question suivante, en fait. Comment fonctionne ta mémoire de cinéphile ? Est-ce que tu peux le décrire déjà ou est-ce que c'est très difficile à te dire ? Je peux dire qu'elle ne fonctionne pas très bien. Ça, c'est sûr. Y a tellement de couches qui se rajoutent quotidiennement. C'est incroyable. Alors, elle fonctionne assez visuellement. Elle fonctionne par des liens qui se créent de hasard qui me marquent. De films. Alors comme j'ai tendance toujours dans ma tête à isoler les plans, tout ça, Donc là, je sais qu'il y a 3 jours, j'ai vu 2 films muets dans la journée. Dans les 2, il y avait un insert sur un fer à cheval. Ça, c'est quelque chose qui va me rester. En revanche, par exemple, sur la fiction, c'est consternant. Il y a des films, il y a des films, j'ai beau les avoir vus 10 fois, je suis toujours très très attentif aux expositions en termes d'écriture et de mise en scène, et à l'introduction des personnages et de la situation. Mais alors Vertigo, par exemple, j'ai beau l'avoir vu 10 fois, je ne pourrais toujours pas te dire comment ça se termine. J'oublie les fins. Sauf de rares exceptions, donc je ne peux pas oublier la fin d'Imitation of Life, mais quand même, j'oublie la fin de Vertigo, ce qui est bon. Après, je sais bien qu'il y a une chute, du clocher, tout ça. Mais c'est comme si il y a quelque chose dans la machine à fiction. Alors, c'est brillant, c'est de l'artifice brillant, mais ce qui est artificiel, finalement, au bout d'un moment, je suis beaucoup plus happé par les images, le montage, la musicalité que le récit en lui-même. D'ailleurs, je ne suis pas du tout un spectateur de série, par exemple, qui joue là-dessus en permanence sur la prolongation du récit, les extensions. Donc j'ai plus une mémoire visuelle, je prends pas de notes, ce qui est pas très brillant, mais chaque fois je me dis, si je prends des notes après avoir vu un film, je vais pas pouvoir enchaîner avec un autre. J'essaie, alors ce que je fais à place de prendre des notes, c'est que je fais beaucoup de captures d'écran. On a l'habitude de le voir ça, effectivement, sur ta page Facebook. Voilà, donc encore une fois, c'est plus visuel. Et après, quand on a des conversations, quand on en a eu pour Belfort sur les programmations parallèles, sur les programmations thématiques, c'est aussi quelque chose de la mémoire qui revient dans la discussion et dans le rebond. C'est la nécessité de l'autre encore qui fait remonter. Mais c'est quand même dramatique, et plus le temps passe et plus c'est grave. Et je me rends compte souvent, si c'est des films, prenez des films Warner des années 30 ou 40 ou MGM, avec les castings dominants de l'époque. Donc on a des couples qui reviennent en permanence dans des films différents, Betty Davis, Humphrey Bogart, John Crawford, je ne sais pas qui, Franck Chauton ou Clark Gable. Je ne sais plus lesquels j'ai vus ou pas. Je me rends compte au bout d'une heure de film, et parfois à la fin du film, que je l'avais déjà vu. Mais encore une fois, c'est lié au fait que le récit n'est pas primordial, je crois. Donc je vais me laisser happer par la direction artistique, par la mise en scène. L'atmosphère, finalement, ça te plonge dans une atmosphère particulière. Et c'est ça que tu cherches. Tout à fait. Tout à fait. Oui, j'ai un rapport quand même très sensitif et au cinéma, très instinctif aussi, et pas très analytique. C'est pareil sur la mise en scène, j'ai besoin de voir un film 10 fois pour pouvoir parler de la mise en scène. Si je n'oublie pas la mise en scène en tant que spectateur, il y a quelque chose qui ne va pas pour moi. Franck Beauvais a fait fonctionner sa mémoire de cinéphile pour évoquer une des scènes du film de John Carpenter, They Live, dans notre carte blanche. Il nous raconte en quoi ce film à la fois ludique et jouissif est aussi une œuvre profondément politique, résonnant avec notre actualité. Bon, déjà, grosse hésitation. J'hésitais avec le zombie de Romero. J'ai revu les 2. Je me suis dit, c'est un peu plus lisible directement dans They Live. Je ne voulais pas spécialement référer à un point d'actualité du moment. Enfin, y aurait eu dans Zombie, il y a vraiment un passage qui peut évoquer l'invasion du Capitole. De Trump, là. Oui. C'est celui dans le centre commercial. C'est dans le centre commercial. Ouais. Ils se sont recréés une sorte de home dans ce centre commercial, et arrivent de l'extérieur des rednecks très violents. Mais en même temps, c'est assez complexe, le discours sur la société de consommation dans le Romero. Et j'ai pensé à They Live. Alors oui, sur l'actualité, mais encore une fois, sur l'actualité dans laquelle on est depuis depuis un an. Alors pourquoi ? Parce que ce que je ressens profondément et ce qui m'affecte au plus haut point là-dedans, c'est des choses qui existaient déjà auparavant, mais il reste plus que ça. Enfin, c'est très lisible aujourd'hui que l'espace de liberté qui est laissé à l'individu, c'est la consommation. C'est l'illusion de la liberté, elle est dans la consommation. Je ne suis vraiment pas le premier à dire ça, on est d'accord. Il se trouve que c'est assez éclatant dans le film de Carpenter, que j'aime beaucoup, qui est un film que j'avais découvert à sa sortie. Alors la scène, d'une part, c'est Carpenter, on est dans un décalque de situation de western. Dès le début, on a un héros solitaire qui débarque sur les routes, qui débarque sur les routes, qui arrive dans une ville où il n'y a pas de travail, où on ne veut pas trop des étrangers. En tout cas, il n'est pas extrêmement bien accueilli. Il finit par trouver un travail, mais pas d'endroit où dormir, à rejoindre un camp de sans-emploi ou de prolétaires, clairement. Et il se rend compte que il y a quelques agissements un peu curieux. Il y a une église à côté où il se passe des choses qui ne ressemblent pas trop à ce qui devrait se passer dans une église vue de loin. Il va y voir de plus près. Et surtout, il y a une descente de police assez violente sur ce camp, qui nous rappelle d'autres images d'actualité. Cette église est complètement mise à sac. Tout est emmené. Et il y retourne, ce personnage, et il trouve derrière une cloison un carton qu'il emmène avec lui et qui finit par ouvrir, et qui est un carton qui contient des lunettes de soleil. C'est quand même une idée complètement géniale et prodigieuse. C'est vraiment quelque chose de à la fois simple et puis décalé. Enfin, bon. Et donc, il a ce carton plein de lunettes de soleil. Il en prend une et puis il part dans la rue. Et au bout d'un moment, un rayon de soleil, il l'essaye et ces lunettes de soleil lui font découvrir le monde tel qu'il est, c'est-à-dire que derrière chaque magazine, derrière chaque affiche, il y a des messages subliminaux que les lunettes permettent de décrypter, enfin de voir, et qui sont des appels à la consommation, au sommeil, à l'obéissance. Et par ailleurs, les lunettes lui permettent de voir quels sont les individus. Alors, ce sont des extraterrestres dans le film, mais enfin, on comprend très très bien que c'est une métaphore pour les traders et la société réganienne et l'ultra-capitalisme dominant à ce moment-là. Je trouve ça jubilatoire et encore une fois, je trouve ça extrêmement contemporain, puisque c'est tout ce qu'on nous laisse faire aujourd'hui. Il y a un moment, un plan très large, où il voit la ville et qu'on a toutes les affiches et toutes les signalétiques qui sont traduites par les lunettes. Donc, et puis, tu as 8 heures travail, 8 heures d'or, 8 heures joue. Et il se trouve que j'étais au concert j'ai eu la chance d'être au concert de Carpenter au Grand Rex il y a quelques années. C'était le lendemain de l'élection de Trump. Et je me souviens très bien qu'il avait lancé un gros fuck Trump. Donc tout ça fait assez lien. Oui. Voilà. Et c'est vrai que la scène est assez jouissive parce que c'est presque drôle. Il essaye, il les remet, il les enlève, il est là, il se tourne, il ne sait pas très bien où il est. Mais il est surpris quand même. Oui. Non, oui. Et puis surtout qu'on a vraiment ces affiches qui sont remplacées par des ordres de obey, marry and reproduce. Tout à fait, tout à fait. Mariez-vous et reproduisez-vous. Et c'est vraiment, c'est presque, en fait, c'est drôle. C'est drôle. Mais le film est très jubilatoire tout le temps. Je trouve qu'il y a un rythme formidable. Alors là, pour le coup, on ne s'ennuie pas un moment. Encore une fois, la fin n'est pas ce qui me... ce qui me séduit le plus. Enfin, parce qu'une fois que ce postulat est posé, bon, on avance et on est plus sur des sentiers battus, mais peu importe. Il reste le génie de Carpenter, qui est vraiment un metteur en scène pour lequel j'ai énormément d'admiration. Et celui-ci, c'est un film en plus où il a beaucoup moins de moyens qu'il en a eu à une époque, et réussit pour moi la parfaite série B de la fin des années 80, quoi. Et extrêmement politique. Mais justement, on sent que... Enfin, t'as hésité entre Romero, puis donc ce film de Carpenter. Tout à l'heure, tu nous parlais de The Faculty. Oui, j'ai l'impression que c'est très important pour toi, le cinéma de genre. Mais tous les cinémas... Oui, c'est vrai, mais... Tous les cinémas sont importants, mais... Écoute, j'ai grandi dans cette petite ville sinistre que j'évoque vaguement dans Ne croyez surtout pas que je hurle, où il y avait deux mono-écrans. J'ai commencé à aller au cinéma toutes les semaines à l'âge de 13 ans. Christine est un des premiers films qui sortait à l'époque que j'ai vu en salle et que j'ai décidé d'aller voir par moi-même. Et un des deux cinémas avait, alors c'est encore une époque, mais vous n'imaginez pas, les enfants, il y avait du double bill le soir, donc j'ai découvert aussi à ce moment-là quand même, dans ce trou perdu à nos amours qui a changé beaucoup de choses dans ma perception du cinéma. Donc il pouvait y avoir à 20h30 à nos amours, et à 22h30, il y avait la séance pour les militaires, parce que c'était une ville de garnison. D'accord. Et pendant 5-6 ans, je pouvais voir des films. Alors là, il y avait un décalage entre les dates de sortie et le moment où il arrivait, qui était incroyable. C'était des copies très usées qui tournaient, mais des films de Templiers, Mort-Vivant de Amando de Osorio, de la comédie érotique italienne, des choses comme ça. Ces choses sortaient encore. Et elles étaient c'était vraiment ciblé sur ce public militaire, quoi. Donc j'allais en ado me faufiler dans la salle, ça fumait, les films la plupart du temps étaient interdits aux moins de 18 ans et je, et je trichais, mais ça, ouais, ça a toujours cohabité le cinéma de genre, parce que il est souvent profondément critique sur la société. Bah c'est ça, j'ai l'impression que ça s'est imposé assez rapidement, Carpenter et Romero, par rapport à notre question, en tout cas, sur l'actualité. Oui, oui, oui, pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence. Dans cette dernière grande partie, nous évoquons la place qu'Internet prend désormais dans la vie de nombreux cinéphiles. Loin des plateformes standardisées et payantes qui inondent nos réseaux, Franck défend des pratiques de téléchargement plus ou moins légales qui, loin du piratage, permettent le développement d'un espace où une cinéphilie horizontale, joyeuse et inclusive serait possible. Autant j'ai fréquenté la salle, j'y allais quotidiennement il y a 20 ans encore, peut-être, oui. Autant avec le temps. Je ne veux pas théoriser là-dessus, parce que je crois que c'est vraiment quelque chose de très subjectif et très personnel, et à chacun son cheminement de spectateur. Et je suis évidemment très heureux que les gens continuent à aller en salle, et on en a besoin. Il se trouve que moi, j'ai un plaisir qui a diminué à aller en salle. Qui est lié au rapport au temps aussi. Je perds. C'est lié au rapport au temps et à ce qui est distribué, qui ne me satisfait pas énormément. Donc je me suis retrouvé, quand je suis revenu à Paris, à prendre une carte illimitée, à me dire force-toi à retourner en salle. Et je n'allais voir que des débuts de films. Je sortais dépité au bout de 20 minutes, en colère, en me disant j'aurais eu le temps de voir deux bons films chez moi, le temps de me déplacer, de revenir, de subir des bandes-annonces. Et puis, j'ai pas. Alors, je sais que beaucoup de gens aiment ce sentiment de communion dans le noir avec des inconnus. Personnellement. J'ai pas ça. Je veux bien communier dans le noir avec moi-même. Donc, la maison, c'est très bien. Et surtout, je vois beaucoup de films, mais j'en arrête énormément. C'est-à-dire que je défriche, j'essaie de défricher en permanence. Et quand ça ne va pas, je ne suis pas un spectateur masochiste qui va me dire « je l'ai vu pour le voir, c'est très bien ». Si ça ne va pas, j'arrête. Et je peux y revenir peut-être 10 ou 15 ans plus tard. Ce n'est pas forcément le film, c'est peut-être moi. Mais je veux éprouver du plaisir au moment où je vois un film. Ça me le permet, le visionnage à la maison. Et Internet, oui, depuis... plus, c'est exponentiel, mais là, vraiment, ces dernières années... Et cette dernière année vraiment, on trouve tout. On a vu aussi cette année précisément que quand même il y avait quelque chose qui se déplaçait avec l'obligation pour nombre de festivals de passer en ligne. Alors, il y a des gens qui crient au diable. Moi personnellement, je trouve ça formidable. Je trouve ça formidable d'habiter dans une province éloignée et de pouvoir suivre le cinéma du réel toute la semaine, qui est quelque chose qui, quand on n'est pas parisien, n'est pas possible. Jusqu'à une démocratisation de l'accès au film via la mise en ligne de ces programmations. Je trouve ça très enthousiasmant, très motivant. Moi, j'aime beaucoup suivre les festivals en ligne, beaucoup plus que si j'avais à prendre une demi-heure le métro pour aller à Beaubourg voir le film. Et je suis aussi comme spectateur, j'ai pas forcément besoin d'un discours immédiat. Sur le film et après le film ou de l'explication par... T'as envie de le garder en toi, j'ai finalement envie de le garder en moi. Oui, il y a un rapport assez intime au film qui fait que ça me convient bien ce type de visionnage. Et après, Internet, quand même, disons, alors t'as utilisé au début de l'émission le mot pirate, qui est un mot que j'aime pas beaucoup. Ah, toutes mes excuses. Non, il y a pas... C'est le premier mot qu'on a tendance à utiliser, et puis je ne sais pas par quoi le remplacer. Mais enfin, pour moi, un pirate, dans le piratage, il y a une notion de gain. Il y a une notion d'argent. Bon, un pirate, c'est quelqu'un qui pille. Alors, il y en a sur le net. Moi, je vois beaucoup des endroits qui sont... De partage. Qui sont des endroits, d'une part, de partage. Donc, en fait, démocratisation d'accès à la culture gratuite. Et surtout, des endroits qui sont comme des cinémathèques virtuelles et qui se substituent au travail des distributeurs qui permettent l'accès, parce qu'il y a quand même des gens qui passent un temps incroyable à sous-titrer des films pour qu'ils soient accessibles à tout le monde. C'est pas rien. Enfin, pour moi, c'est plutôt un cercle vertueux. Et on a quand même, alors au-delà de la question des droits, des films sur lesquels il y a des droits, il y a des diffuseurs, certes, on peut discuter. Après, moi, mon souci n'est pas d'enrichir un distributeur ou un producteur. Mais je veux qu'il puisse continuer à faire son travail. Donc, j'essaie de trouver un équilibre entre ça. J'ai perdu le film. Tu parlais du fait que les voies, enfin Internet avait pris une voie alternative finalement oui, par rapport aux distributeurs physiques et que Internet permettait ce partage de films. Oui, et on a aujourd'hui plein de films qui sont bloqués pour des questions de droits et qui circulent sur Internet. Bon, on n'a pas d'accès, on n'a toujours pas de DVD. L'exemple le plus frappant, c'est La maman et la putain. Si le film ne circulait pas illégalement, entre guillemets, il ne serait pas vu. Et c'est le cas pour plein de films. Gérard Blin est un cinéaste dont on ne peut quasiment plus voir les films aujourd'hui. Il y a Les Amis qui est édité chez René Château et Un enfant dans la foule qui est épuisé depuis longtemps. C'est deux films de Gérard Blin qui est un des cinéastes essentiels du cinéma français. Il n'y a pas Internet et il n'y a pas ce travail souterrain. On ne les voit plus. Guy Gilles, c'était le cas pendant longtemps aussi. On voit que sur la loupe, il a connu un certain succès d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ce qui était très intéressant avec l'expérience de la loupe, et surtout dans les premiers temps, c'était de voir, d'ausculter les demandes et de voir ce qui manquait aux spectateurs. Oui, ça a mis en lumière, en fait, tout à fait. Des manques, des lacunes. Tout à fait. Quand des gens réclament Chantal Akerman. Alors moi, j'étais très surpris, mais je me suis rendu compte que oui, que les DVD de Chantal Akerman étaient complètement épuisés. Il y avait une demande incroyable là-dessus, et on a eu une grosse demande sur tout le cinéma minoritaire, sur le cinéma militant. Et c'est là, je trouve que c'était une période un peu magique. Enfin, il y a quelque chose qui s'est tissé avec la programmation de La Clé, quelque part, qui remplissait exactement la même fonction. C'est d'un seul coup, oui, il y a des films, c'est incroyable, on n'a pas pu les voir pendant 30 ans. Aujourd'hui, les gens ont envie de voir les films de Carole Rousseau-Poulos, on les voit où ? Et c'est bien qu'il y ait un endroit physique, en fait, qui, bien qui sûr, incarne bien sûr, tout à fait, cette tout à tendance fait, tout à fait. De films dont on manque. Tout à fait. Et on revient à ce truc de transmission, quoi. Enfin, c'est ce qui est, alors, transmettre aussi ce qui n'est pas visible et ce qu'on a, nous, dans nos escarcelles. C'est important que les films circulent et découvrir des films. Si je vois 3-4 films par jour et que je fais des découvertes, ça ne me sert strictement à rien. Si je peux pas dire à quelqu'un, il faut que tu vois ça. En fait, c'est ça, c'est la question que je me posais. C'est que tout à l'heure, tu disais que tu avais besoin de garder un certain temps les films en toi. Sauf que pour qui te suit sur Facebook, en tout cas, tu fais beaucoup de captures d'écran et tu les partages toutes, en fait. Enfin, ouais, tu partages beaucoup, parfois 10, 20 par film. Ça aussi, c'est important, ce geste, pour toi ? Mais, oui, parce que d'une part, comme on le disait tout à l'heure, ça supplée à ma mémoire défaillante. Mais oui, mais tu ne les gardes pas pour toi. Je ne les garde pas pour moi. Oui, j'ai remarqué qu'au fil du temps, que ça pouvait avoir déclenché des désirs chez certaines personnes qui avaient un truc incitatif, en tout cas par l'image. Une mosaïque d'images va pouvoir donner envie d'aller s'approcher de cinéastes qu'on ne connaît pas. C'est très important pour moi, pour tout ce qui concerne le cinéma expérimental, par exemple, de le faire sortir un peu de sa sphère et que d'y amener des gens qui n'y seraient pas allés autrement. Et là, d'échanger, oui, des partages. Il y a beaucoup de gens qui me demandent les films. D'ailleurs, la plupart du temps, il y a beaucoup de films qui sont disponibles quand même, y compris légalement. Dès qu'il y a des liens légaux, ils sont là. J'aime pas les liens payants, mais... Il y a beaucoup de travail expérimental qui est disponible sur Vimeo. Et je vois des gens s'enthousiasmer pour ça. Et ça me réjouit au plus haut point de me dire, bon, ben, que ce soit ce réalisateur finlandais, d'avoir pu le faire découvrir à quelqu'un. Mais c'est dans les deux sens. Hein. Je me nourris aussi parce qu'il y a toute une espèce de groupe, de secte qui fait des captures d'écran de ce qu'ils voient comme ça. Donc je me nourris aussi des apports des autres, bien entendu. Dans son film « Ne croyez surtout pas que je hurle », Franck évoque les concepts de film miroir et de film refuge. Si ce dernier concept nous est familier, le terme de film miroir nous est plus inconnu. Pour mieux nous l'expliquer, Franck a choisi de nous parler du film de Josh Mond, intitulé « James White », puis a terminé en beauté avec le chef-d'œuvre de Sidney Lumet, « Running on Empty », comme film refuge. Le film miroir, c'est le film qui nous met face à nous-mêmes. C'est le reflet de nos démons sur l'écran. Après, il y a des gens qui n'ont pas de démons qui voient le reflet de leur bonté sur l'écran. C'est très, très bien. Moi, c'est plutôt... donc, un film miroir, c'est un film qui me met face à moi-même. C'est un film où il y a une identification qui est... qui peut être douloureuse, en tout cas qui entraîne une remise en question et qui, oui, qui me met face à moi-même. Quoi. Et en l'occurrence, à la question, j'ai répondu James White, qui est un film qui, à ma connaissance, n'est pas sorti en salle. Non, non, il n'est pas sorti en France, il est encore inédit. C'est de Josh Mond, et c'était le film de Sundance il y a quelques années qui avait fait l'ouverture de Sundance, du festival c'est de Sundance. C'est tout à fait possible. Josh Mond, il fait partie de... C'est une bande de réalisateurs, producteurs, scénaristes, avec Sean Durkin, qui avait fait Martha... Merci, May Marlène. Voilà. Merci. Et Antonio Campos, qui avait fait After School et qui a fait The Devil All The Time pour Netflix cette année. Cette compagnie de production s'appelle Borderline, et quand ils ont commencé, ils avaient leur principe, c'était de, sur les films de chacun, d'intervertir les rôles. Donc, un devenait producteur de films de l'autre, l'autre scénariste. Voilà, donc j'ai assez suivi les débuts d'Antonio Campos, qui est un réalisateur qui m'intéresse beaucoup, et je connaissais pas Josh Mond, qui a fait un court-métrage qui s'appelle James White avant. Bon, le film Miroir, c'est vraiment une question très intime. Je ne veux pas rentrer dans... Ah non, pas du tout. Mais... C'est pas obligé. Dans tous les détails, mais c'est... D'une part, c'est un film qu'il faut voir, vraiment, parce que je ne sais pas si vous avez... Oui. Il y a quelque chose qui me bouleverse chez ce personnage. Je trouve que c'est un personnage qui est extrêmement bien écrit, qui est en gros un personnage qui veut faire du bien tout le temps et qui n'y arrive pas, en tout cas pas autant qu'il le faudrait. C'est un personnage qui est rattrapé par ses propres démons en permanence, mais qui en même temps est tout amour. Et qui est porté par l'interprétation magnifique de Christopher Abbott, qui est vraiment un comédien pour lequel j'ai énormément d'admiration. J'aime beaucoup sa voix aussi, les modulations de sa voix. C'est vraiment un film qui me bouleverse profondément, parce que oui, j'y entrevois mes propres failles, et que c'est pas dans un personnage négatif. Oui. C'est le personnage est très ambivalent. On l'aime tout de même, malgré tout, parce qu'il ne cesse d'essayer. Oui, bah, quelque part, c'est un personnage extrêmement positif, dans un certain sens, en tout cas. Oui. Oui. En tout cas, c'est un personnage qui résiste. Son aura, puis ce qu'on y plaque en tant que spectateur, on peut pas le voir comme un personnage purement négatif. Non, c'est pas un personnage purement négatif, mais c'est un personnage qui est pas un très bon ami, qui est pas un très bon compagnon, et qui arrive pas à être un très bon fils, tout en l'étant quand même un peu. Mais c'est un film où l'amour circule de façon bouleversante, je trouve. Autant les rapports avec son ami noir homosexuel, le rapport avec la mère mourante est bouleversant. Je trouve ça très très très bien écrit. Voilà. C'est un beau résumé. Film miroir, quoi. Est-ce qu'on passe au film refuge maintenant ? On peut. Alors, moi, je les appelle les films doudou. Oui, mais c'est vrai. Je les appelle comme ça. C'est ça, il y en a plusieurs. Mais après, tout le monde n'a pas la même interprétation de ce qu'est un film refuge, d'autres en ont pas, tout ça. Mais dans l'idée de film doudou, oui, ça marche aussi. Alors, ça, c'est les films. Déjà, c'est les films quand on pense que. On va plus voir de bons films, parce que ça arrive parfois, qu'on n'en peut plus. Donc une valeur d'avoir essayé. Voilà, déjà, on ressort nos... Alors pour moi, il se trouve que c'est plutôt... Il y en a plusieurs, hein, mais ce sont plutôt des films lacrymaux. Voilà, moi, ça me fait pleurer. Feel good. Les films lacrymaux, c'est génial aussi comme expression. J'ai l'impression d'être lavé complètement, emporté, habité, et je me sens beaucoup, beaucoup mieux après un film qui me bouleverse jusqu'aux larmes. Et il se trouve qu'il y en a quelques-uns où les larmes sont là après la 20e vision, et je peux dire Alors là, je parlais de... Quand tu m'avais posé la question de... À bout de course, Running on Empty de Sidney Lumet, c'est vraiment un film où je peux dire, à 8 minutes 15, je vais verser ma première larme. Je sais que cette scène va passer ensuite. Là, ça va. Et je sais qu'il y a un summum pour moi dans le film qui est les retrouvailles... de la mère de la famille avec son père. Que je trouve bouleversante. Enfin, et là, il y a tout le talent de Sidney Lumet, parce que c'est une scène qui est extrêmement modeste dans son dispositif, pas du tout tape à l'œil, une direction d'acteur, mais au cordeau, et ce qui ressort des enjeux dramatiques et ce que ça dit des rapports entre les personnages est vraiment bouleversant. C'est un film de famille, c'est un film sur les liens familiaux. Et... C'est un film sur la famille, c'est un film sur l'amour en famille, et c'est un film politique aussi. Oui. C'est un film politique, c'est des personnages d'activistes, c'est une famille d'activistes, pour résumer un petit peu. Enfin, les parents sont des activistes et y ont participé. On participait à un attentat dans les années 70 qui ne devait pas faire de mort et dans lequel alors je sais pas s'il a perdu la vue ou s'il c'est est mort. Vue, oui. Non, il est juste devenu mais il était paralysé aussi quand même. Aussi. Un gardien, et aussi paralysé, voilà. Donc. Et qui, depuis, fuient le FBI et qui ont deux enfants et qui tentent d'élever ces deux enfants au mieux en leur transmettant à la fois leurs valeurs et en tentant de les éduquer, en passant de ville en ville à chaque fois qu'ils sont repérés par le FBI. Donc, c'est des enfants qui changent de nom et d'identité, de couleur de cheveux. Alors ça, la première scène où Christine Latty... teint River Phoenix en blond et où il se regarde dans le miroir, c'est d'une force. Mais tout, le début, le chien abandonné sur la route, on comprend d'emblée ce que ces enfants peuvent vivre, à quel point ils sont déchirés, à quel point ils aiment leurs parents aussi. Et là-dessus arrive l'idée de génie de scénario qui est que le gamin est doué pour très doué pour le piano et qu'il a la possibilité d'aller à Juilliard, qui est la carrière qu'envisageait sa mère. Et qu'est-ce qu'on fait étant cette famille aimante si on laisse l'enfant partir. Si on laisse l'enfant partir, on ne le reverra plus. Et je trouve des scènes bouleversantes une après l'autre, quoi. Et en même temps, c'est un refuge parce qu'il y a quelque chose de... Et c'est parce qu'il y a un amour dans cette famille, la scène d'anniversaire. C'est un cocon, ça. C'est un cocon, on les aime, quoi. Quand on parlait de mère, par exemple, moi, la mère, Sam, quand il l'appelle Sam... Bon, elle est magnifique parce qu'elle est complètement amoureuse toujours de son mari. Elle veut le meilleur pour son enfant. Enfin, tout le monde est divisé comme ça. Et c'est toujours l'amour qui décide. Et la fin, bon, ben voilà. On ne doit pas se séparer. Et finalement, on lâche au dernier moment l'autoroute, la musique qui recommence. Ça, je vois ça, moi, je me sens toujours bien après. Oui. Et pourtant, j'ai pleuré. Mais merci beaucoup, Franck Beauvais, pour toutes ces recommandations et tous ces films et tout ce qu'on a évoqué là. C'était vraiment une belle émission et un beau partage. Merci beaucoup. Merci à vous deux, c'était un plaisir. Ce podcast ne saurait exister sans Gabriel Régnier qui en compose la musique. Pour cet épisode, nous tenons à remercier particulièrement Élodie Imbaud qui nous a permis d'enregistrer dans les sous-sols de la Cinémathèque française, ainsi qu'Hugo Cohen qui a travaillé à rendre audible cet épisode grâce à ses talents de mixeur. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler ou à le partager autour de vous. Cela nous aide beaucoup dans notre travail. À la prochaine !